Début demain de la XFL, la nouvelle ligue de football dont le propriétaire est Vince McMahon. Ça va avoir lieu demain. Évidemment, normalement, quand on lance une nouvelle ligue, il y a toujours le côté peut-être curiosité. Et pour savoir un peu à quoi s'attendre de cette nouvelle ligue-là, ben, il a fait un excellent travail cette semaine. Un excellent travail sur le site lebitsnfl.com. C'est Tony Guzzo. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Tony, quel travail! Vraiment, là, les gens qui veulent savoir, en savoir davantage sur la XFL, je vous invite à aller voir sur lebitsnfl.com. Tu as tout mis, là, les joueurs dominants, oui. Les joueurs, les différents avec les règlements. C'est vraiment très, très bien fait. Tu as dû mettre des heures, certainement. Oui, merci, merci. Ben, c'est un regroupement de tout, puis en plus, il n'y a pas beaucoup de... C'est tout en anglais la majorité du temps, fait que non, c'est le fun. J'ai eu beaucoup de comeback là-dessus, fait qu'un gros merci, puis c'est la grosse question, hein. Moi, j'avais tellement, tu sais, avec l'Alliance, là, ouais. L'année passée, J'avais tellement confiance à cette ligue-là. Là, je suis un peu comme toi. On a des réserves. Mais la différence avec l'Alliance, c'est que la XFL avec Vince McMahon, il y a de l'argent. Ouais. Il y a de l'argent et la grosse différence, c'est qu'il y a une bonne couverture télé. Là, ils ont des bonnes ententes. Tous les matchs vont être à la télé. En fin de semaine, ça va être les matchs sur Fox, dans la télé sur ABC, ESPN. Comparativement à l'Alliance, qui elle, écoute, le premier match était à CBS, par la suite c'était CBS Network, c'est pas tout le monde c'est que ça. C'était NFL Network, c'est pas tout le monde que ça non plus. Donc c'est une méchante différence, comparativement. Je te dirais la grosse différence, elle est là. Oui, puis ceux qui vont comprendre, c'est que là, tout le monde se demande, hey, ça va-tu être comme la première... mouture de la XFL, non, là, je pense qu'ils ont appris. La première fois, ils voulaient tellement mélanger, faire la promotion aussi avec la lutte. Là, cette fois-ci, en plus, Vince McMahon a été quand même, il faut y donner, hein, il fait beaucoup d'argent, il doit avoir une certaine intelligence. Ouais. Mais il a fait affaire, il va s'occuper de l'aspect business, puis il a donné tout l'aspect opération football à Oliver Luck, ouais. Qui est le commissaire, qui est le père d'Andrew Luck, qu'on connaît, ouais. Qui est nouvellement retraité là, de la NFL. Donc, ils vont beaucoup, on n'ira peut-être pas en détail, là, mais je veux dire, on a remarqué qu'ils veulent vraiment promouvoir le sport de football. Ils n'ont pas mis beaucoup de les joueurs comme face de la ligue, tout ça. C'est vraiment l'aspect football avec des nouveaux règlements et le gros but, le gros objectif qu'ils veulent atteindre comparé à la NFL, c'est d'accélérer le jeu. Donc, ça va être très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de bottées d'envoi, hein? Oui, il y a des bottées d'envoi. Okay. C'est des bottées après toucher. Et il y a des bottées de dégagement puis des bottées d'envoi pour commencer la séquence. Okay. Mais quand ils font un toucher, et c'est ça que ça va être intéressant, c'est qu'il y a trois options. Quand ils vont faire un toucher, les équipes vont avoir trois options. Soit qu'ils partent de la ligne de deux. S'ils font le toucher, c'est des deux points. Un dossier comme un touchdown converti, c'est ça? Exactement. Il y a trois genres de convertis. Donc, de deux à... j'ai un blanc de mémoire. C'est deux, trois points et je vais-tu le dire? La ligne de deux, la ligne de cinq et la ligne de diverge. Donc, le maximum, c'est trois points. C'est ça. Okay. C'est un ou deux ou trois points. Donc, si jamais il marque de diverge, okay. Donc, s'ils partent de la ligne de diverge, ils vont pour 3 points. Okay. Donc, ça va être 9 points, donc 6 plus 3. Mais ils décideront, là, c'est soit la ligne de 2 pour 1 point, la ligne de 5 pour 3 points. La ligne de 2, 1 point. Ça vient mêlé. La ligne de 5, 2 points. Puis la ligne de 10, 3 points. Okay. Ouais, ça vient mêlé. Ouais. Il y a aussi, j'ai vu ça, 2 temps d'arrêt au lieu de 3. Exactement, 2 temps d'arrêt. Le chronomètre aussi du jeu va être continu. Ah, OK. Donc, il n'y a pas de temps d'arrêt. OK, c'est beau. Non, c'est ça. Puis, ils ont 25 secondes pour... Au lieu de 40 de la NFL. Exactement. Donc, le chronomètre va même s'arrêter que dans les 2 dernières minutes, Ah, OK. de sorte que les équipes ne pourront pas épuiser le temps de jeu. Donc, Donc, et ça va jouer en 2 heures, un oui, match, ben hein? c'est ça qui vise. OK. C'est un peu ça qui vise. Donc, on va voir. Ils vont essayer aussi avec au niveau des publicités. Là, de plus en plus, on voit des fois le double publicité. Là, on voit deux boîtes. Là. Ouais. Fait que ça aussi, c'est au niveau. Et les prolongations, ça va ressembler La à la NCAA? Ligue. Oui, exactement. OK. Donc, ça va être. Sauf qu'ils sont obligés de faire 5 séries, comme dans une OK. fusillade de hockey, où les équipes vont alterner le ballon pour marquer Ben, c'est 5 fois correct, sur ça. un même jeu. Fait C'est que. correct. Parce qu'on dit dans la NFL, on le dit dans la NFL que c'est dépassé ce règlement-là. Oui. Hein? Au moins donner une Oui. chance à l'autre équipe. Mais je comprends pas. Je sais pas, là. C'est les 32 propriétaires, là, cette question-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de Ah, la table. non. On dirait qu'ils veulent que ça soit décidé par un pile ou face, là. Je Ouais, comprends ouais, pas. ouais, ouais. J'ai jamais compris, mais en tout cas, la NFL va regarder de très près ce niveau-là. Mais comme on s'est dit au début, bon, il semblerait que Vince McMahon aurait dit dans une entrevue, il y a quand même 40 millions de gens qui visent, qui aimeraient voir du football après le Super Bowl. Donc ça, je suis pas sûr. Ben non, c'est parce que Les même moi, l'année passée, j'avais été enthousiaste la première semaine, puis après ça, Ouais. j'avais comme décanté. C'est pour ça que j'en ai moins parlé cette année de la XFL, mais Ouais. écoute, puis avec l'échec retentissant, comment que ça a fini en vrai joke l'année passée. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, regarde. Puis moi, j'étais plus encouragé l'année passée parce qu'il y avait un lien avec la NFL. Donc, Ouais. on parlait peut-être de développement, tandis qu'ici, ça va être vraiment une concurrence. Bah. On verra avec les contrats, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, là. Ça va être une saison de 10 semaines. Il y a 8 Ouais. équipes. Puis au total, il va y avoir 12 semaines, donc aucune semaine de congé, donc ça va être fini pour le début avril, là, je pense. Le OK. championnat, c'est le. Non, excusez-moi, c'est le 26 avril, le championnat, le week-end du repêchage de la NFL. OK. Eh bien, donc il y a des joueurs, évidemment, les têtes d'affiche. Pour nous, à Montréal, il y a une figure qu'on connaît très bien. C'est Mark Trestman, l'ancien entraîneur des Alouettes, qui va diriger l'équipe de Tampa Bay. Tu as également quand même plusieurs personnes. Bob Stoops, qui Oui. est l'ancien entraîneur de c'est Oklahoma, dans la NCAA, lui aussi est là. Tu as Kevin Gilbride, l'ancien coordonnateur à l'attaque des Giants de New York. Donc, il y a quand même quelques figures connues là, mais c'est sûr que Mark Trestman est probablement à Montréal l'emblème pour nous. Oui. Puis son coordonateur défensif à Mark Trestman va être Jerry Glanville. Oh, Je sais pas si vous. Tu sais, le fameux cowboy, là, OK. il y avait un excellent cowboy qui a coaché les Falcons là, dans le Ouais. passé. Fait que lui aussi, il est resté un peu dans le football là, comme OK. coordonnateur. Va te Il y a rendre ça, c'est Jerry vieux, Jones. Jerry Glanville. Va te rendre ça, c'est vieux. Oui, il est pas mal vieux. Je pense qu'il est dans les. Soixantaine Ah avancée, ouais. certain. Ah ouais. Moi, j'ai même 70 en tête, là. OK, je vais aller J'ai chercher pas vérifié. Ouais. OK. Fait que il y a 41, ça George. donne quoi? 41, c'est 60 et 17 ans? 79. 79. 79 ans, ben, 79 ans. Ouais, c'est ça. Et ta barouette, donc Kevin Ouais. Gilbride, ben là, fait que, ouais. On n'a pas nommé le coach de Seattle, ouais, Jim Zorn, qui a Jim déjà Zorn, l'ancien des coaché Redskins de Washington. les Redskins. Ouais. On a nommé June Jones, c'est une légende universitaire, Ouais. qui va être à Houston. Winston Moss, un assistant de longue date des Packers, OK. donc va superviser les Wildcats. C'est sûr qu'on n'a pas vu. Les gens qui vont suivre ça, on n'a pas vu un peu de football, on ne sait pas quoi prédire, mais il y a déjà des prédictions. Ah ouais? Je veux dire, ouais, il semblerait que les trois grosses équipes à surveiller, il y a Dallas, OK. qui est dirigé par Bob Stoops, entre Bob autres. Stoops, OK, oui, C'est ça. Donc, DC, les OK. Ça, c'est Defenders de Washington. DC. Oui. Ouais, ça. Lui, il est coaché par Pep Hamilton OK. et Tampa Bay. Michael Donc, Smith. l'équipe à Chris Mynn OK. était surveillée dans ces équipes-là. C'est les trois équipes que, parce que ils vont aussi mettre l'emphase sur du fantasy football, sur les gageurs. Il semblerait qu'on va voir des cotes pendant le match. Donc, les gens qui veulent gager en même temps, en direct, ça va être, Ben, j'ai bien hâte de voir ça. c'est sûr que Vince McMahon, écoute, c'est un génie du marketing. Il s'est Exact. planté. Il s'est planté la première fois, là, parce qu'on a voulu, je sais pas si tu t'en rappelles, ça ressemblait plus à. Ouais. On savait pas si c'était de la lutte ou du football. Tu te Ben rappelles oui, c'est ça. les Ben, il a meneuses de claque. mélangé ça. Hein? Il a Ouais. mélangé les deux sports, là. Donc, tu sais, pour déterminer, tu te souviens la première saison, pour déterminer qui va botter, fallait que les gars ils courent au centre puis Ouais. s'arracher le ballon, là. Tu sais, je veux dire, ça fait trop lutte, Ouais. mais comme j'ai dit en début d'entrevue, la XFL va être de bonne main avec Oliver Luck, là. Il est quand Oui. même une bonne tête de football. Il a pris, il a supervisé le repêchage. T'sais, les noms les mieux connus qu'on va voir, c'est les Lynn. quarts arrière qui ont Ouais. le plus d'expérience. Ben On le parle gars, de... Landry Jones, l'ancien de Oui. Oklahoma, qui a Oui. été longtemps Avec adjoint les à Steelers. Ben Roethlisberger avec les Steelers de Pittsburgh. Tout à fait. Après ça, quel autre que je peux voir? Les autres, j'ai. Ouais. Josh Johnson, Oui, qui a lui, il était le joué... Qui premier a... choix de la Ligue du Football League l'année passée, lui. Exact. Il a joué pour Tampa Bay, puis Ouais. il a fait un petit court séjour à Montréal aussi, je pense, avec Ah les oui, Alouettes. C'est-tu lui? Ouais, une affaire de même, mais OK. où il a pas toffé. Qui d'autre aussi? On a Cardale Jones, qui a OK. aussi été bon dans les rangs universitaires, qui a joué pour les Bills. On a le nom de Sammy Coates, un OK. receveur qu'on a déjà vu dans la NFL. Donc, Puis il n'y a pas il va avoir... Galloway, un dénommé Galloway qui était quand même un bon receveur de passe avec les Browns de Cleveland, qui lui est je pense, a signé au mois de janvier avec une équipe de la XFL, Ça se peut, là. Danny. Ouais, ouais, Ça me donne. ouais. J'ai bien hâte de. Oui. Mais les amateurs, on va voir beaucoup de joueurs parce que moi, je l'avais dit avec la Ligue Alliance, là, c'est que c'est sûr qu'il y a encore de bons joueurs de Ah ouais. football encore disponibles. Donc, les amateurs de football, surtout universitaires, là, vont se reconnaître parce que ceux qui ont suivi la NCAA là, vont beaucoup voir des terrains de noms familiers là, qui vont jouer là, dans cette ligue-là. Donc, ça va être très intéressant. Donc, 8 équipes divisées en deux conférences, les champions de conférence. Donc, il va y avoir les champions plus les meilleurs deuxièmes. Donc, les deux premiers de chaque. Puis après ça, il y a la finale le 26 avril. OK. Ça va être Donc, ça va être intéressant à voir. Bon, c'est intéressant la première semaine. Après ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Sur certaines, le fait que c'est Mark Trestman, ça nous aide aussi. T'sais, on va être plus motivé à regarder Oui. ça un petit peu, là. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis, au moins, il y a de la place pour une ligue de printemps. C'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs essais, hein. Fait que j'ai hâte de Exact. voir. Ouais, effectivement. Exactement. Puis en plus, la fameuse ligue qui a connu quand même une bonne Arena League, là, la Ouais. ligue intérieure, avait connu beaucoup de succès, qui là n'existe plus Ouais. non plus. Ouais. Donc, non, je pense que, en tout cas, ben, j'ai des réserves encore. Je veux pas m'avancer. J'étais tellement convaincu l'année passée avec la Ligue Alliance, là, à cause de l'aspect développement. Là, j'ai des réserves, puis on verra bien. Puis ça va être accessible à la télé, donc pour les gens. Ouais. C'est ça le gros Et avantage comparativement à l'Alliance exact. Football League, là. Et il y a de l'argent. Il y a Mais il de y a de l'argent l'argent, parce ouais. que c'est ça qui a nuit à l'Alliance l'année passée. Fait que... Effectivement, puis tu sais, l'Alliance, on pensait qu'il y avait une entente avec la. On pensait qu'il y avait une entente avec la NFL, puis il n'y en avait pas finalement. C'était assez pic-pic, là, Non, tu c'est sais, ça. quand tu regardes ça, là. Ouais, Ouais. tout à fait. Tony, on s'en reparle le vendredi prochain, peut-être pour une dernière fois. Pour une dernière fois, après ça, ils vont faire une pause. Je vais te demander comment tu as trouvé ça. Et on va s'en Oui. reparler vendredi, puis après ça, possiblement qu'on va faire une pause de quelques semaines jusqu'au joueur autonome. Parfait. Donc, samedi, ABC à 2 h, Ouais. le premier match entre Seattle et DC. D'ici, oui. Donc, Tony Guzzo du site internet lebetsnfl.com.